Jane par Alexandre Dumas. Chapitre 1er, la tempête. Au moment où les troupes de Napoléon s'approchaient de Moscou, la flotte russe, réunie à celle de la Grande-Bretagne, bloquait sous le commandement de l'amiral anglais, la flotte française enfermée à Flessingue. Pendant la plus mauvaise saison de l'année, sur une mer ouverte à tous les vents, jetant leurs ancres dans d'incommensurables profondeurs, les flottes combinées avaient à soutenir le double combat des tempêtes et de l'ennemi. Elles avaient derrière elles l'océan aux vagues grondantes, devant elles les batteries qui crachaient la flamme et le fer. Au mois d'octobre, les tempêtes sont terribles et successives. Qui les essuie en mer, sous la toile, comme on dit en termes de marine, peut seul se faire une idée de ce qu'est un pareil temps pour une flotte obligée de jeter l'ancre. Le vaisseau reste alors immobile, mais tremblant de tous ses membres, comme un géant enchaîné, et quelle que soit la fureur des flots, il ne peut fuir devant eux. L'ouragan qui s'éleva dans la nuit du 16 au 17 octobre 1812 détruisit plusieurs bâtiments tant sur les plages de Hollande que sur celles d'Angleterre. Pendant toute cette nuit, au milieu des ténèbres et de la tempête, on entendait de temps en temps ce formidable coup de canon qui crie à la création « Nous sommes perdus !» Dernier râle de la vie qui a son écho dans la tombe. Au premier rayon du jour, sombre et presque aussi menaçant que la nuit qui venait de s'écouler si lentement, on vit l'effroyable position de la flotte. La ligne était rompue, les câbles et les mâts étaient brisés, quelques bâtiments, arrachés à leurs ancres, allaient à la dérive. Les vagues les soulevaient comme des montagnes prêtes à les engloutir. Aux yeux même des marins, la position était désastreuse. Le vaisseau russe, le Vladimir, était brisé en plusieurs endroits et faisait eau. Il était le dernier de la ligne à gauche et touchait presque au rocher, qui se prolonge près d'une demi-lieue dans la mer, dans une direction parallèle à la côte. Les matelots, travaillant avec l'ardeur d'hommes qui sentent que leur vie dépend de la vigueur de leurs bras, les uns aux pompes, les autres à la manœuvre du bâtiment, prouvaient à des yeux exercés que toute cette fatigue resterait inutile, et la perte de ceux qui montaient le bâtiment était inévitable, lorsque, par un bonheur inespéré, avec le jour, le vent baissa, et la mer se calma. Un éclair d'espérance passa dans le cœur des marins. Cette espérance se changea bientôt en certitude de salut. On distribua un verre d'eau-de-vie aux matelots et un peu d'ordre commença à renaître à bord. On put permettre à la moitié des hommes de se reposer. Il était 4 heures de l'après-midi. Le lieutenant, qui était autorisé à partager le repos de ses hommes, monta alors sur le pont et s'adressant au capitaine, qui s'y promenait de long en large, « Commandant, dit-il en levant sa casquette, j'ai remis tout en bon ordre. Le vent souffle nord-nord-ouest. Nous sommes à l'ancre sur 68 brasses de fond avec 71 brasses de câble. » « Et la cale, Nicolas Alexeïovitch, demanda le commandant. « Tout va bien de ce côté. Nous sommes maîtres de l'eau. Avez-vous quelques ordres à me donner ?»« Aucun, puisque vous avez pourvu à tout, Nicolas. Seulement, recevez l'expression de ma reconnaissance et faites tous mes compliments à l'équipage pour son travail de cette nuit. Sans ce travail plus qu'humain, nous serions, à l'heure qu'il est, accrochés comme une guenille à quelques rochers où nous pêcherions des étoiles de mer. » Le lieutenant était un vieux marin allé par le soleil de tous les climats, portant la casquette sur l'oreille, ayant laissé par distraction sans doute prendre à son épaule droite une prééminence marquée sur la gauche. Un manteau, encore tout trempé de pluie, tombait de ses épaules, sans qu'il songeât à s'en débarrasser. Il tenait à la main son porte-voix. Il sourit aux paroles du commandant. « Bon, dit-il, cela ne vaut pas la peine d'en parler. C'est lorsque nous étions sur le Vladimir dans l'Adriatique que nous en avons vu, et d'autres que celle-là. Par bonheur encore, continua Alexeïovitch, qu'il n'y a pas de typhon dans la Manche, quoique ce soit une chose curieuse que de les voir se former et disparaître. Oui, ma foi, cela doit être fort curieux, Nicolas Alexeïovitch, répondit Alim Melozor, beau jeune homme de 24 à 25 ans, portant l'aiguille d'or à son épaule. Et, en effet, il était aide de camp de l'amiral russe, mais pendant la guerre, il avait pris du service sur un vaisseau. « Je suis sûr que nos typhons de la Baltique sont plus dangereux pour les vers de ponche que pour les vaisseaux. »« Certainement, mon cher, dit le vieux marin. L'eau a été faite pour les poissons et les écrevisses, le lait pour les enfants et les poitrinaires, le vin pour les jeunes gens et les jolies femmes, le madère pour les hommes et les soldats. Mais le rhum et l'eau de vie, c'est la boisson naturelle des héros. »« En ce cas, répondit le jeune aide-de-camp avec un sourire, l'immortalité n'est pas faite pour moi. Il m'est impossible de regarder en face une bouteille de rhum. J'ai en horreur cette abominable boisson. Eh bien moi, mon cher Elim, c'est tout le contraire. Mon cœur bat à sa vue un branle-bas de tous les diables. Oh, quand tu seras depuis 30 ans sur le parquet du vieux Neptune, quand tu auras vu autant de grains que j'ai vu de centaines de tempêtes, tu reconnaîtras qu'un bon verre de grog vaut mieux que tous les manteaux du monde, fussent-ils de renard bleu ou de zibeline. Au second verre, tu sentiras un génie entrer dans ta tête. Au troisième, un oiseau chanter dans ton cœur. Alors, tu te pencheras par-dessus la muraille et tu regarderas passer les vagues aussi tranquillement que si c'était des troupeaux de moutons. Les mains crieront et craqueront au-dessus de ta tête et tu te soucieras de leurs craquements et de leurs cris comme de ceux-là. Et le vieux marin fit claquer ses doigts. Et malgré tout cela, la nuit passée, Nikola Alexeïovitch, s'il n'eût pas fait si sombre, peut-être eussions-nous pu, à certains moments, voir passer la pâleur sur tes joues. Que le diable ait mon âme, s'il y a un mot de vrai dans ce que tu dis là, Elim Mélosor. La tempête, c'est ma vie, à moi. Que Dieu nous donne souvent de pareilles nuits. Le service ne sera pas négligé comme dans les temps de calme. Lorsque le vent souffle, alors les pieds et les mains sont occupés, et je suis fier, car il me semble que je prends le commandement de toute la nature. Merci pour votre tempête, lieutenant, dit le jeune officier. J'étais mouillé jusqu'aux os. Je me suis couché sans souper, ayant une faim de chien de mer, et pour compléter ma chance, j'ai roulé 2 fois à bas de mon lit. Tiens, tu es un vrai bambin, mon cher Elim, dit le vieux marin. Ah ça, mais tu vois donc que ton bâtiment voguât dans l'eau de rose? Que le vent n'eût été créé que pour chatouiller tes voiles et que les lieutenants dansassent seulement avec les dames? Plaisantez tant que vous voudrez, Alexeïovitch. Je vous déclare que je ne refuserai pas, dans ce moment surtout, de me réchauffer près d'une jolie lady à Plymouth, ou de dormir voluptueusement après un bon dîner à l'Opéra de Paris. Cela me paraîtrait plus agréable que d'entendre siffler le vent et d'être prêt de boire à chaque instant mon dernier coup à la même tasse que les requins et les baleines. Pour moi, je tiens qu'il y a toujours plus de dangers sur terre que sur mer. Sur terre, tu risques éternellement de perdre ta bourse ou ton cœur. Par exemple, lorsque tu me conduisis dans la maison de Stephen, tu te le rappelles, n'est-ce pas? Je ne savais comment me gouverner au milieu des canapés et des fauteuils qui encombraient le salon. J'eusse mieux aimé gouverner par une nuit sans étoiles au milieu de la passe de Devil's Grape. Ah, cette maudite Miss Fanny! Elle me regardait si fièrement que j'étais tout prêt à lever l'ancre et à filer 15 lieues à l'heure pour m'éloigner d'elle. Mais tu ne m'écoutes pas, monsieur le distrait. En effet, depuis que son vieux camarade avait touché l'article femme, Elim, à demi couché sur un canon, avait tourné et arrêté ses yeux sur la côte de Hollande. Cette rive lointaine lui paraissait un paradis. Là, il y avait de braves gens, des hommes d'esprit, de belles jeunes filles. Là étaient des cœurs prêts à aimer et dignes d'être aimés. Dangereuse pensée pour un homme de 25 ans, surtout lorsqu'il est enfermé dans ce monastère flottant qu'on appelle un vaisseau. Aussi, Elim, malade de cette sublime maladie qu'on appelle la jeunesse, était-il devenu doublement pensif à la vue de la terre et aux paroles de son compagnon. Il regardait la Hollande avec une tendresse qu'on eût dit qu'il y avait là quelque trésor enfoui. L'impossibilité de quitter son bâtiment lui donnait, au reste, un désir plus vif d'aller à terre, et il soupira si profondément qu'en historien véridique, nous croyons devoir ici consigner ce soupir et y arrêter l'attention du lecteur. Le jour commençait à baisser. Le vent augmentait au fur et à mesure que baissait le jour, et il se changeait peu à peu en tourmente. Mais, comme tout était prévu, on attendit la nuit avec une certaine tranquillité. En ce moment, on vit paraître à l'horizon un navire qui arrivait sur la flotte toute voile dehors. Poussé par la tempête renaissante, il semblait vouloir marcher plus vite qu'elle. On reconnut bientôt que c'était un navire de guerre anglais. Son drapeau rouge flamboyait comme un éclair au milieu des nuages. Tous les yeux se tournèrent de son côté. « Ah, voyons un peu comme notre gentleman va jeter l'ancre par ce joli temps, » dit Elim. « Ah ça, mais il est fou, » dit un jeune lieutenant. « Il force de voile en entrant dans la ligne. Regarde donc, ses mâts plient comme des roseaux. Ne te semble-t-il pas les entendre craquer d'ici? Ou son capitaine en a d'autres dans sa poche, ou il a des démons au lieu de matelots ?» On vit monter le drapeau de signal au vaisseau amiral. Mais comme s'il n'y faisait aucune attention, ou comme s'il était entraîné par une force irrésistible, le navire ne parut pas s'en préoccuper. Eh bien, il ne répond pas, s'écrièrent plusieurs voix avec étonnement. Mais il va tout droit sur le rocher, dit Elim. Trois drapeaux s'élevèrent à la fois sur le vaisseau amiral. Numéro 143, cria un matelot. Le lieutenant ouvrit le livre des signaux. Le vaisseau qui arrive du large, dit-il, doit se former en ligne et jeter l'ancre à gauche. A-t-il répondu ? Demanda le lieutenant. Il n'a seulement pas l'air de se douter qu'on lui parle, dit le matelot. L'incertitude, la crainte et l'étonnement se peignirent sur tous les visages. Le même signal se répéta, accompagné d'un coup de canon en manière de réprimande. Le bâtiment n'y fit aucune attention et continua de marcher droit sur l'écueil. En vain, l'amiral redoublait ses signaux. Il ne paraissait pas les voir, ne s'arrêtait pas, ne diminuait pas même sa marche. Tout le monde regardait avec terreur le navire insensé. Il était évident qu'il allait droit à sa perte. « Il ne comprend pas nos signaux !» s'écria le lieutenant. « Il ne vient pas d'Angleterre, il vient de l'océan. En tout cas, il devrait voir le rocher, qui est indiqué sur toutes les cartes. « Il n'a qu'une seconde pour virer de bord, » dit Elim, « ou il est perdu. » Le moment était suprême. Le jeune homme sauta sur le bastingage, se tenant par une main seulement et de l'autre, faisant signe avec sa casquette en criant « La barre à bâbord ! La barre à bâbord !» comme si, malgré la distance, le bâtiment pouvait l'entendre. Le bâtiment était déjà assez proche pour qu'on vît ces hommes qui s'agitaient sur le pont. On essayait d'amener la misaine, mais au moment où l'équipage était occupé à cette manœuvre, on entendit un craquement terrible. C'était le mât qui se brisait. « Il n'a pas de gouvernail !» s'écria le lieutenant. « Il est perdu !» Et tout vieux marin qu'il était, il détourna les yeux. Il avait raison. Le bâtiment, condamné à mort, semblait avoir hâte d'arriver à sa perte. Poussé par le vent, entraîné par les courants, quoiqu'on eût successivement amené toutes les voiles, il ne marchait plus, il volait. On voyait le désespoir de l'équipage. Il n'y avait plus de commandement, plus d'ordre, plus de discipline. Les matelots couraient çà et là, tendant les mains vers les autres bâtiments et demandant instinctivement un secours qu'il était impossible de leur porter. Leur dernière heure sonna. Avec la rapidité de l'éclair, avec la force et le bruit de la foudre, le bâtiment alla heurter le roc. À l'instant même, on le vit, au milieu de l'écume, se briser en morceaux. Les voiles se dispersèrent, une d'elles s'envola comme un aigle dans les nuages. Une vague énorme souleva tous ces débris et les jeta une fois encore sous le rocher. « Tout est fini !» s'écria Elim en se rejetant sur le pont. Et en effet, à la place où un instant auparavant s'élevait encore le vaisseau, les vagues seules bondissaient, se heurtant les unes contre les autres et s'écroulant en écume. « Un signal !» cria le matelot. « Numéro 107 !»« Portez secours aux naufragés !»« Un homme l'ordre !» dit le lieutenant Nicolas Alexeïovitch, mais malheureusement plus facile à donner qu'à exécuter. En ce moment, trois hommes, tout ce qui restait de l'équipage, apparurent au milieu des vagues écumantes. Ils étaient tous trois cramponnés à la même planche. Elim saisit le bras du vieux marin. « Les voyez-vous » s'écria-t-il. « Les voyez-vous ? Par Dieu, si je les vois, dit celui-ci, mais que veux-tu que j'y fasse ? Vous croyez donc qu'il est impossible de les secourir ? Demanda Elim. « Je le crois, répondit Nicolas Alexeïovitch. Et moi, je crois qu'il serait honteux à un Russe de regarder comme impossible les ordres donnés par un Anglais. « Capitaine, continua-t-il en s'avançant vers l'officier commandant le Vladimir, permettez-moi de mettre une chaloupe à la mer. « Je ne puis vous empêcher de remplir un devoir, Elim, dit tristement le capitaine, mais vous vous perdrez et vous ne sauverez pas ces malheureux. « Capitaine, je n'ai ni mère ni femme pour s'attrister de ma mort et mon père est un soldat qui sera heureux d'apprendre que son fils est mort en faisant son devoir. Vous n'aurez jamais le temps de descendre le rang canot et les barques ne tiendront pas la mer. J'irai, fût-ce dans une cuvette. Je trouve qu'il est plus facile de mourir soi-même que de voir mourir les autres. « Oui, la mouette à la mer » cria-t-il, « et 5 hommes de bonne volonté !» Il s'en présenta 30. Elim en choisit 5, sauta dans la chaloupe à laquelle sa course rapide et sa fine allure avaient fait donner le nom d'un oiseau. L'un des 5 matelots se plaça au gouvernail, les autres saisirent les rames, Elim se plaça à l'avant. « Bon voyage !» crièrent les camarades. Les amarres qui retenaient la chaloupe furent larguées, et la frêle embarcation, disparaissant au milieu de l'écume, sembla s'être engloutie dans les vagues.